dépose ta matraque, ton taser. J'finis en garde, m'appelle pas, j'suis sur répondeur. Ouais, posé à l'antenne, gros moteur. À la senti l'oseille, pourtant l'argent n'a pas d'odeur. Ouais, on a plusieurs armes à manier. Il m'a dit s'te plaît, reprends-moi comme hier. On connaît ton CV, ne fais pas de manière. T'as sucé toute la terre et tu nous parles de carrière. Les yeux dans le musical, dans la poche des violets. J'dois y aller, j'ai pas le temps, on m'a téléphoné. Dans une halle, se les faire il fallait. C'est parti, en patate, on est revenu ravaler. J'm'enrichis quand je ne paye pas mes dettes. Garde aller dans le club, allez, serre-nous 20 bouteilles. Que tu grattes des clubs, des feuilles, des joints. Y'a des armes, de la drogue, si t'as besoin. Car chez nous, ça fait bang, bang, bang, que de la dette. Donc il faut que tu payes, hey. M'appelle pas, je suis sur répondeur. Ouais, posé à l'antenne, gros moteur. À la senti l'oseille, pourtant l'argent n'a pas d'odeur. Ouais, on a plusieurs armes à manier. Il m'a dit, s'te plaît, reprends-moi comme hier. On connaît ton CV, ne fais pas de manière. T'as cessé toute la terre et tu nous parles de carrière. Les yeux dans le toit que t'es un tolier. Chez nous, tu prends ta tolée. Cette bitch fait que de nous coller. On accepte que les doubles folles. Hier, t'enterres ton frère. Demain, tu vas les fumer. Tu réfléchis pas, tu prends ton arme. Tu démarres, tu penses qu'à vider le bar, yeah, yeah. On accumule les péchés, un jour on va les payer. Je te jure sur ma vie, c'est des merdes. Ils payent des bouteilles, ils donnent pas un euro pour loyer, yeah, yeah, yeah. Et ça fait bang, bang, bang dans ta soirée. Mon fait, on devrait pas dans ce qui paraît. Tu fais le taré, le sort t'es égaré. On a grandi, toi et moi, c'est plus pareil. Dépose ta matraque, ton taser. J'finis en garde, m'appelle pas, j'suis sur répondeur. Ouais, posé à la tête. Gros moteur, à la senti l'oseille, pourtant l'argent n'a pas d'odeur. Ouais. On a plusieurs armes à manier. Il m'a dit, s'te plaît, reprends-moi comme hier. On connaît ton CV, ne fais pas de manière. T'as sucé toute la terre et tu nous parles de carrière. Les yeux dans le. Les yeux dans le.